Bah oui, tu sais, à droite dans la boîte à gants, il y a une pochette, une pochette bleue, elle est dedans. Elle doit être dedans avec aussi l'assurance, hein, normalement. Voilà. Ah bon. Thank you. quasi. Vuoi tutti? Ah, vuoi mi vuoi cambiare? Vedi, tipo, ti metto un po' più rapido. Vuoi, ma che... Dite tu. Oh, sì. Oh, beh. Uno, vedi, tanto che fa di qua tutta l'ombra, la stai vediamo. Se ti senti di loro, però come tu sei il tuo fondo. No, perché c'è pas tout le temps, mais c'est tout le matin, mais pas un nombre de mots jusqu'à derrière, en fait, non. Ou c'est des choses à route, même si c'était à 9h, donc ça va bien. Et en plus, ben, j'ai traversé tous les marais de... de carrière en Bretagne jusqu'à Lyon. Oui, c'est joli, ben, surtout qu'on est carrément dans la zone humide, là. Et... Ah oui, t'es perdu dans les marais. Faut bien vivre 20 ans plus. Au bord du Rhône. Non, c'est bien agréable parce que c'était bien. Hein. Ben, il me paraît qu'il y a beaucoup de monde, mais je suis pas. Hier, j'ai eu du monde quand j'étais à Fondue. Oui, hier matin, oui. Oui, quand j'étais à Fondue hier matin. Et puis, ben non, c'est bon. Ben, j'ai deux personnes. Bah, il dit, ah oui, carrément, oui, carrément. Et pourquoi il dit qu'il y a pas tout le temps, enfin, une vingtaine de personnes qui sont dans la journée. Ouais, ben non. Dis, ça, je dis, ça y est. Oui, ça y est. Je reviens, je vais aller chez Thank you. Bye.